Papi. Ici, hey. Ici, ici. T'es pas chez toi, t'es pas chez toi, t'es pas chez toi. T'as pas compris ou quoi? Eh, je suis violent comme voir ma terrasse à la Castellane. Arrachez-vous un Bergman et un deck au Dodan. Je m'arrêterai pas tant que je suis pas pour Aga sur Kylian. J'ai plus de monde, plus de honte et tout à perdre, man. Ma diaspora, je l'amène fière comme Maradona à Naples ou à la Junior Boca. Prisonnier des temps modernes pour le shit et la coca. Les balances et les putas qui font qu'au parloir, ben c'est rempli de mer. Politica, politica, c'est des pyromanes. Ils jouent les pompiers, nous on pisse pour éteindre leurs flammes. Ils croient qu'on les attend pour avancer. Faut des rallies, ce qu'on ne peut pas avoir, on trouve ça pas normal. On aime le foot mais la vie c'est la mêlée. Des plaquages au sol aux touristes et leurs valises. Calamité depuis le CP. L'an 2000 je l'ai adopté aussi vite que les roumaines sur mon pare-brise. Par vite on est à vivre, ça gifle pour du chiffre. Y'a vivre, ça mise son CDD sur un paquet au pif. La mise, je change mon embargo culturel. Un sale constat, tâche d'être assuré tout risque la mise. Si vous critiquez Marseille, ces ethnies, ne venez pas chez nous. Nos rues sales et nos modes de vie, ne venez pas chez nous. Racisme, ne venez pas chez nous. J'insiste, ne venez pas chez nous. On est engagé, chargé. Donc venez pas chez nous. Venez pas chez nous. Venez pas chez nous. Venez pas chez nous. Vous êtes pas chez vous. T'es pas chez toi, t'es pas chez toi. Fais partie de cette génération de dingue qu'on dit trop jeune, qui te mate mal du regard et te parle parfois qu'avec des guns. Ici les enfants de la lune sont des étoiles, souvent filantes qui dévoilent un truc de fou impertinent. Mec des blocs étincelants, territoire trop méfiant, trop dangereux pour ceux qui combattent la vie sans mettre les gants. Père, pourquoi tu nous juges tout le temps? On est délinquants. Peut-être parce que nos pères eux-mêmes ont squatté les bancs. Ne crois pas à nous connaître, non. Tout savoir sur moi et ma section, en clair, non. Ne juge pas, nous critique pas, nous divise pas. Chez nous c'est un pour tous, tu connais la suite, donc n'y pense même pas. À part, chez nous les caractères se forgent. J'entends les sirènes dans les blocs pendant que certains crient motherfuck. Ne parle pas de chat, tu risques d'être mal en point. Chez nous on l'a depuis que Jordan shoot et tire son langue à 3 points. Chez nous la vibe est élégante, elle est belle, elle est bonne. Donc j'alouse pas quand tu l'entends dans le Benz élégance. Y'a que devant lui qu'on s'aligne, ma foi est sincère. Mes potes pépères, paix à ceux qui sont dans le dîme. Si vous critiquez Marseille, ces ethnies, ne venez pas chez nous. Nos rues sales et nos modes de vie, ne venez pas chez nous. Racisme, ne venez pas chez nous. J'insiste, ne venez pas chez nous. On est engagé, chargé. Donc venez pas chez nous. Venez pas chez nous. Venez pas chez nous. Venez pas chez nous. Ici, vous êtes pas chez vous. T'es pas chez toi, t'es pas chez toi. Hey, je te souhaite la malvenue, man. Ici nos pères ont eu la jeunesse de Jamel dans Indigène. Chez eux c'est devenu un orphelinat. Dépouillé jusqu'au sperme, demande à Madonna ou Angelina. Jolie ces armes que tu nous vends pour qu'on se démolisse. Polie ta manière de nous prendre tous nos charis. Tes promesses j'en veux plus. T'as mis toi, ami de la nitro dans les ceintures de certains barbus. Alors, comme ça tu dis qu'on se plaint trop, boy. Qu'on devrait se contenter de ta pitié, boy. Qu'on garde le rôle de l'Indien et toi du cowboy. Fuck, prends mon doigt et amuse-toi comme sur un sextoy. Exploité depuis des décennies. Dans le sang d'Afrique, le pétrole est une leucémie. Chez nous, le RMI, para Western Union ou au PMU. Pour avoir une grosse cagnotte, l'ami. Entre eux et nous, c'est le grand canyon. Pour nous, c'est chaussures trouées. Pour eux, c'est grosse bagnole. Aucune isolienne à la taille de ma grande gueule. Tant que pour vous c'est Prada et que pour nous c'est linceul. Si vous critiquez Marseille, ces ethnies, ne venez pas chez nous. Nos rues sales et nos modes de vie, ne venez pas chez nous. Racisme, venez pas chez nous. J'insiste, venez pas chez nous. On est engagé, chargé. Donc venez pas chez nous. Venez pas chez nous. Pas chez nous. Venez pas chez nous. T'as dit. Venez pas chez nous. Si. Vous êtes pas chez vous. C'est pas chez vous. T'es pas chez toi, t'es pas chez toi, t'es pas chez toi, t'es pas chez toi, t'es pas chez toi, t'es pas chez toi.